Et y'a 1999, Rappeur, Scotty, OMAR, ouais. On représente tous les mecs de rue, pour tous les gosses de rue. Écoute ça, train train quotidien, vite chien. Écoute ça. Depuis le départ de mes parents au bled, ça fait 5 piges que je trime et que je protège mon trou du cul. Ici les jeunes sont presque tous wanted, ça hupe, ça flaire, bref, je fais mes affaires. Regarde des stup, mauvais adversaire. Quand tu fréquentes la rue, si t'as pas de vécu, t'es dans la merde mon frère. Tellement de nos jours ça part en couille, on s'entretue même entre frères. Pour un butin, y'a trop de fils de putain. Pour mes potes et pour ma familia, en cas de haja, moi à peur je ferai mes preuves sur le terrain. Car j'en ai rien à foutre des faux gangsters qui jouent les parrains. Parano, je t'envoie dans le panneau. J'suis en chien, mais j'suis un chien de la cage, paye sur les miens. La rue c'est mon tement à part, l'endroit où on s'est tous rencontrés. Écoute ça, le seul appartement que moi j'ai eu c'est la rue. Mon morceau, je le dédicace pour tous les gosses de rue. Pour tous les gosses de rue. Le seul appartement que moi j'ai eu c'est la rue. Dans cet appartement j'ai vraiment presque tout vécu. Le seul appartement que moi j'ai eu c'est la rue. Dans cet appartement j'ai vraiment presque tout vécu. Hey yo, hey yo, hey yo, j'ai grandi dans la merde mec, comme la plupart de mes frères. Là où les gosses se font de la maille pour satisfaire leurs besoins. Car pour accomplir tes rêves, faut t'en donner les moyens. Alors tout ce qu'il faut faire les gros, tu le fais bien. Faut rien laisser passer, ramasser tout, même les billets froissés. J'faire du bénef pour la mille fois avant de lâcher dans le vent. Avancer dans le bon sens, en regardant droit devant. Pour qu'un jour tu puisses enfin être important. Le seul appartement que moi j'ai eu c'est la rue. Dans cet appartement j'ai vraiment presque tout vécu. J'ai eu c'est la rue. Dans cet appartement j'ai vraiment presque tout vécu. Le seul appartement que moi j'ai eu c'est la rue. Dans cet appartement j'ai vraiment presque tout vécu. Le seul appartement que moi j'ai eu c'est la rue. Dans cet appartement j'ai vraiment presque tout vécu. Le seul appartement que moi j'ai eu c'est la rue. Dans cet appartement j'ai vraiment presque tout vécu. Issu d'une famille étrangère, toi-même tu sais très bien d'où je suis originaire mon frère. Souvent j'étais en chien, mais mon père avait des difficultés financières. Chaque jour qui passe, j'y pense aujourd'hui comme hier. Chaque jour sourire, souffrir, alors que la misère a fait de moi un martyr. Je sais que je suis pas le seul à souffrir et à s'offrir en sacrifice pour la rue. Mec dans la rue, le manque de fric, fils tu sais que c'est connu. On s'est connu dans la merde et parfois même on garde à vue. Le seul endroit où on s'est rencontré c'est dans la rue. On a compté des yébis, on se racontait des histoires. Même que des fois, pour rentrer il était trop tard. Tout en esquivant mon père sévère. Mon père travaillait, ma mère travaillait pas, que voulais-tu? J'avais pas de soucis, tant que le frigo était blindé. Que j'avais un peu d'une et que j'étais bien vêtu. Ya, pas de temps, mais j'ai super de pas. Flash Kodak, back, fat, need back. Nadine, nah, papa, ici ça soulève dur. Encore back, clac, clac. Pitch, arrête, entre deux merdes. Là est le bled. Sa mère, j'crierai pas à moi. À l'aide, en scrader. Pour les petits, les stocks, ma 9-9 à hauteur, ça demi. La rue du bas. Le seul appartement que moi j'ai eu, c'est la rue. Dans cet appartement, j'ai vraiment presque tout vécu. Le seul appartement que moi j'ai eu, c'est la rue. Dans cet appartement, j'ai vraiment presque tout vécu. Yeah, AOT, gosse de rue. Chien de la case, gosse de rue. Digital possible, gosse de rue. Yo, Scotty, mec de rue. OMAR, mec de rue. Yeah, yeah, n'a du vécu. Sort de cocard.